enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Arrivés au désert sous la conduite du faux prophète Balaam, mais il profita pendant la fête et tua mes frères. Ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. J'ai vu Samson, les Danites susciter à dessein, conçu de le sein maternel comme instrument du Dieu Tout-Puissant. Mais Samson fut détruit pendant la fête. Oh, malheur! Alors que les Juifs s'apprêtaient à fêter leur Pâques, le grand Fils de Dieu, suscité à dessein par les dieux tout-puissants. Mais Jésus fut détruit pendant la fête. Oh, malheur! Ça toujours que les enfants de Dieu sont tués. Ça toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Hérode et Hérodias s'apprêtaient à fêter, mais ils coupèrent la tête de Jean. C'est pendant la fête. Oh, malheur! Ça toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Alors que Absalom voulait régler ses comptes avec son frère, mais il profita pendant la fête et tua son frère. Car ça toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Alors que l'humanité s'apprêtaient à fêter leur Noël. Le grand prophète des dieux, suscité à dessein par les dieux tout-puissants, mais il fut détruit pendant la fête, oh malheur. Ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Alors que l'humanité s'apprête à fêter une ère nouvelle, combien de fils de Dieu vont-ils mourir pendant des fêtes? Oui, je sais aussi que Seigneur, c'est pendant la fête que tu changeras l'eau en vin. Oui, je sais, Seigneur, que c'est pendant la fête que tu cries et tout est accompli.